BKS, JTA pour le GSA. J'en place une ici pour 57 et 53. À la foire, on m'a moche, condamné par l'amour. Donc je fais appel à la mort, mais on me rappelle par la mort. Yo, avec LD, il n'y a plus de dialogue. 9-1, mon ghetto, apparemment, faut aller voir un psychologue. Un de ces connards, s'y connaît à cause de ces connards. GSA, gamin, sans amour, avec une vie amère, c'est la merde. Julio, à cause de toutes ces tasses, déception, ça va, ah, bien sûr, c'te meuf, moi j'azap. Et là, je perturbe dans le rap, me vend pour qu'on cède à maquette sur GSA. J'écris ça pour faire partie de la maquette. Écoutez ma requête, ME2Z, démarre au quart de tour. Lâche des rimes. Rafale, explosif tel un lance-roquette. La rue de navire, claire à qui fait que tous les faux qui se la racontent. On s'en rend compte chaque jour, et face au mal tu vois qu'on gère. Sur les putes nous on gère, bon pose avec énergie. Je représente pour mon coup GMK. Yeah, j'écoute du putain de son dans ma chaîne. Et puis soudain le mic m'appelle, il me dit qu'il veut que le saigne. La culture hip-hop m'imprègne, j'ai le rap dans les gènes. Le son coule dans mes veines, passe-moi un stylo, une feuille, un micro. Que je teste mon texte, et tant pis si ça vexe. Son beat j'agresse, blesse, et via s'accompagner de TLS. C'est POR, TOSS, on est hal pour la mafia GSA. Mafia GSA, tout killer 7-7. LPTN du bar sur ce son, plus voilà ce que Luc Besson. Tu vas mouiller dans ton casson, tu vas te reconvertir maçon. Que des mecs vénères, sur les nerfs, on va te mettre 6 pieds sous terre. Ce texte c'est pour mes frères à l'allure de putain d'austère. Corbeil zone de danger, la délinquance veut se venger. Aucune place pour les PD, faut juste se faire respecter. Y'a d'avoir une putain d'idée, faut que j'appelle ma nouvelle unité. T'es malheureux, je suis de la vie, peureux. A mon avis, mes esprits à vie se prêtent ta vie. J'insiste grave, faut que tu la vives là. Villa, gars, villa, même sans villa. Car elle peut être prise, et c'est la crise, j'précise. Dans la pierre, plusieurs prises, mais le mauvais œil nous vise et n'autorise pas ça. Alors baisse, fume, tisse, fais-toi une vie de pacha. Pense à ça, si j'pose là, c'est pour la mafia GSA. C'est P-O-R-T-O-S-S avec la 2-K-S. Mais on m'a dit que la France nous a baisés. Ils se sont offensés, que la France soit foncée. On m'a dit que les jeunes veulent baiser la Marianne, se marier jeune, plus fume la Marie-Jeanne. Mais ça me triste de savoir que ma matrice me mène droit à la crise. Et ça me crise de savoir que tous les risques que j'ai pris devant le Christ. Mais lâche-moi un buzz que j'éclate ce beat. J'rappe par passion, je vis à Besançon, c'est ma raison de vivre, j'ai raison de le vivre. Je m'enivre de rap et des rap. Heureusement que certains MC les rattrapent. Sur le mic, je m'impose, c'est tiens un mec qui pose. D'autres explosent de jalousie, des jalousies. Le tout killer avec Porto Sissi se place dans la partie et participe à un son de la mafia GSA. Ok, il est 4h du match, j'ai chaud comme un équateur. Je ne compte plus les moutons, ouais, ainsi que les squatteurs. Mon mental me conduit au pays de Madagascar pour un bon fait qu'un momo qui m'aidera à sortir du gaz, gars. Ok, les gros, c'est pour Thomas Sikespo ou Salazar. Les que Massi mettez vous debout, c'est son pic Balthazar. J'étais agro pour GSA sur un sujet cimer. J'incinère le CSA après chaque syllabe, j'accélère. Thomas Sissi, mon kiff, braquer la fusée Ariane. Pour que sur la lune, je suis ma Marie-Jeanne. Y'a pas de codé en vaisseau spatial, c'est l'idéal. Le sun me donne le smile, faut que je me j'arrête une autre vie d'un meilleur avenir. On dit tout sans avenir, sans amour, sans un rond. Tourne dans ma tête comme dans une cage paron, rien de marrant. Ouh, GSA clan, pas de mec clean, jeune, pas de lifting, skatebap, pas de ballerine, GSA ma team. Ya, escalier, c'est plus de vie et allé drôle. À l'envers, un endroit, les drôles. Je changeais drôle, pas de nitro, juste un litro. Et toi, tu parles de taf, mais va dire au mec, ils n'ont pas de bague. C'est soit vendeur ou mécano qui chante hal. Je fais hommage à GSA, je vis dans le mal. Heureusement que ma mère, elle m'a changé en scène. Escamikaze, c'est pour qu'elle se pose à Lazare et Kobe. V'là un son sans loser et Kobe. Pendant que tu bats ta bombe, qui crie que Santis des Samen. Mike Jackson se prend le fond Disney Channel. Le tombé, refrain, canalise dans ta tête. C'est pour ça qu'on bouge du cannabis en plaquette. Ma taille m'accompagne dans tous les studs. Pourrais-je fume, maniaque de peser pour les stups. J'en mon pochon rempli, gosier de potions dans la tête. Tu verras que des mix moi qu'on se moque de tes chaînes en toc. Ta meuf on la met en cloque, baisse son froid, quel PDN veut fuck. 91 SANG avec mes gannés pour tout niquer. Je vais représenter mon groupe de déglingués. On est prêt à tout défourailler. C'est la rue qui nous a hébergés, si tu comprends pas va chier. Tous dans le même cas, sur un son de barge comme des malfrats. NPTN on est là, toujours là et je sais pas si tu supporteras. C'est la mafia GSA, grave vénère on pose pour ça. C'est pour le goof GSA. Ok tragique. Ici j'ai pas le moral, frère, la rue m'a suriné. Je me suis mis à traîner, but rimé, mais j'ai surimé. Entraîné par l'écran, j'ai connu le fils beaucoup trop tôt. Ensuite l'équipe proco et la violence dans mes propos, ça part de trop. Et tous les jeunes achèvent ça, que si j'achève ça, c'est pour le coup frais GSA. Écoute bien les coups de pute, bang bang, bang. Sur ces gars, ici bas je veux devenir riche, j'aime fumer des purs cigares. Nique ta mère, avec le psy que j'ai des rancards. Caillassage vocal avec un grenade dans son cale. Un peu normal que c'est qu'est-ce les arcos dans mon local. C'est le rap de cadavre avec du C4 dans la cave. Et qui lâche son blast dans la cellule de cartave. Quasial musical avec GSA comme équipage. Sur le bloc opératoire c'est vite douleur que j'ai écrit ça. Pour trafiquer ton charrue des frères en or massif. Le coup son étroit t'inquiète on est trop massif. Je vois des petits dealers partir en l'air pour des mauvais délires. Des mauvais dealers partir en l'air pour des mauvais délires. Écoute la peu d'âme, je t'assure c'est un délire. Certains les courent des lettres pour finir riche comme dans Dallas. Mais la vie grave, tu trouveras pas ton compte. Très peu sont pas serrés, mais beaucoup finissent à Londres. J'ai l'esprit qui navigue autour d'une dépression. Je vais plonger si j'ai pas le mental dans la déraison. Mes neurones sont des vaillants matelots qui se noient dans les déboires. Les solutions mènent en bateau, les problèmes à l'abattoir. Je suis submergé par une vague de soucis en pagaille. Malfaiteur, je baguais pour pas finir comme une épave. J'avance en sous-marin, pas de place aux mutines. Rigé des GSA, la jalousie, c'est inutile.